Céline de par des capis. C'est bientôt l'heure de l'fajr. Gros, ramenez-moi mon tapis. Bipolaire, on change d'attitude. Un jour on prie, un jour on rafale. Parlons de ta femme, un jour elle crache, un jour elle avale. Des kilos, des kilos, des kilos, des kilos. Des mecs qui se lèvent le matin pour t'enculer. T'as parlé, maintenant faut que t'assumes. T'as chargé, maintenant gros, allume-le. Donnez-moi un AK, par balle, sous la parka. Je suis pas nouveau dans le rap, je les baisse de la part d'Alonso et Zaka. Moi, je ne suis pas comme vous, sur ma daronne, on a rien en commun. Vous contrôlez Wedou, pour ça attendez quand même. Des voyous dans le rap, j'en vois partout. Quand ça tire, ça tire, ça tire, ça tire, mais dis-moi eux partout. Des voyous dans le rap, j'en vois partout. Quand ça tire, ça tire, ça tire, ça tire, mais dis-moi eux partout. Le cracker est sous le capot, t'as célèbre de part des capis. C'est bientôt l'heure de l'fage, gros, ramenez-moi mon tapis. Bipolaire, on change d'attitude, un jour on prie, un jour on rafale. Parlons de ta femme, un jour elle crache, un jour elle avale. Le tracker est sous le capot. Le tracker est sous le capot. Oui, le tracker est sous le capot. Le tracker est sous le capot. Peu importe où tu es, mais qu'on va te trouver. Peu importe où j'y vais, mais qu'on va te trouver. Moi j'ai rien à prouver. Oui j'ai rien à prouver. On n'a jamais balance, on a fini croué. Ce qui t'entoure, c'est ce qui t'enterre. Méfie-toi de tes potes, de tes partenaires. Leurs cousses, je les connais par cœur. Tes potes sont fiers quand t'es par terre. J'ai perdu des potes à calage, qu'on a eu, le gilet n'a pas servi. Je les allume, on t'a vengé sa vie. Je préfère faire pleurer ta mère que tu fasses pleurer la mienne. J'ai enterré ma peine le jour où j'ai enterré mon père. Des armes de la droite, monsieur le proc, on a grandi dans ça. 100% des aides, je prends mes lovés, je me taille un peu ça. Gros, je viens d'Herbel, Sidi ou ça, c'est l'aime de mes crapules. Y'a des donneurs de go, oui des donneurs de go, ne fais pas confiance à ta pute. Ne fais pas confiance et parle pas. Y'a des fautes qui se réparent plus. Sous le camistin par vague, des réseaux de shit sont tenus par des bleus. Le tracker est sous le capot, t'as l'aime de part des capis. C'est bientôt l'heure de l'fage, gros, ramenez-moi mon tapis. Bipolaire, on change d'attitude, un jour on prie, un jour on rafale. Parlons de ta femme, un jour elle crache, un jour elle avale. Le tracker est sous le capot. Le tracker est sous le capot. Oui, le tracker est sous le capot. Le tracker est sous le capot.